Ouais. Juste rien faire. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des... Pas de soucis. J'aime être vilain. Je me mets un coup de pchit. Il faudrait que... Parfait, mon fou, il a enlevé les lunettes quand même. Ah bah oui, après j'ai plus rien voir. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Marvelicious, le 20e. Le 20e en un an et demi, ça fait pas mal. En tout cas, un épisode consacré à Star Wars, le deuxième d'ailleurs, avec le précédent qui était consacré au Mandoverse, fait avec Olivier et Tony de MSA. On est sur le débrief de la première partie de Ahsoka. La guerre est inévitable. Il faut parfois détruire, afin de créer. Nous ne sommes pas des Jedi. J'entends depuis peu des rumeurs concernant le retour de Thrawn en tant qu'héritier de l'Empire. Que se passera-t-il quand nous trouverons Thrawn ? Le pouvoir, plus que tu n'en as jamais rêvé. J'ai passé presque toute ma vie à faire la guerre. Et c'est pour ça que je vous demande de m'aider à en éviter une autre. Tu sais comme moi qui pourrait sûrement t'aider. Mais elle est aussi têtue que je l'ai toujours connue. Je parie que ton maître te trouvait difficile quelquefois. Anakin n'a jamais fini ma formation de Jedi. Je lui ai tourné le dos. Tout comme j'ai tourné le dos à Sabine. Toi, tu n'as jamais fait ce genre d'effort pour moi. Maître. En tant que Jedi, tu es parfois obligé de prendre des décisions impossibles. Mais je compte sur toi pour aller jusqu'au bout. Ça te va bien? On est parfois obligé de faire notre devoir, sans tenir compte de ce qu'on peut ressentir. Mets ta ceinture. Si nous n'arrêtons pas Thrawn, tout ce qu'on a fait aura été en vain. Tu n'as pas le moindre pouvoir. Anakin, ne tarissez pas d'éloges à votre égard. Je ne suis pas venu ici pour discuter de mon passé. Nous avons de nombreuses tâches à accomplir. Rebelle un jour, rebelle toujours. Nom de l'héroïne, c'est Ahsoka Tano, et pour ça je vais t'accompagner de deux passionnés, donc un passionné de cinéma, de séries, de Star Wars et Marvel, qui est Laurent. Bonjour Laurent. Ah, bonjour Magi. Ça va, qui? Allô? Allô? Ça va? Il s'est endormi déjà? Il s'est endormi. Maintenant, le record est là. Il y a une coupure. C'est la chaleur. C'est la chaleur qui fait fondre des câbles. Ouais. C'est la chaleur toulousaine. C'est quoi d'ailleurs la spécialité de Toulouse ? Le cassoulet. Le cassoulet. Oh. Ouais, bah de ce temps-là. La saucisse de Toulouse. La saucisse de Toulouse avec les foyaux. T'en mangerais pas de ce temps-là ? Non, en ce moment, non. On va éviter. et un fan de Star Wars inconditionnel qui est Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Super. Ça va ? Ça va, ça va. J'ai envie de mettre. C'est à chaque fois que je. Parce que ton vrai nom, c'est Olive in Wonderland. Mon nom de scène, on va dire. Ouais. Mon nom de scène, ton nom de star. Exactement. Et à chaque fois que je dis ton nom, à chaque fois, je me dis, il faut que je mette la chanson Boogie Wonderland. C'est ah ton oui. nom. Ça pourrait le faire, ça pourrait le faire. Eh ben écoute, je vais peut-être le faire là. Et je vais garder le truc comme ça à chaque fois. Je vais dire ça. Voilà, ça va Olivier ? Impeccable, ça va très bien. Et toi, et vous deux, ça va ? Oui, ça va. Reprise du boulot, comme tout le monde. Et bah ouais, c'est pas gay. Ouais. Ouais. En plus, c'était intense là. C'est tu reviens de deux semaines de vacances pépère, puis t'arrives, boum ! Ouais, bah ouais, voir bah le truc qui arrive. C'est toujours comme ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu tout le monde d'ailleurs. Oui, bah, c'est tendu en ce moment, j'ai l'impression. C'est la chaleur. Ouais, c'est trop chaud. On travaille. Voilà. Donc, on va parler de cette série qui est Ahsoka. Donc, on va le faire en deux parties. Donc, la première partie sur les quatre premiers épisodes. Je ne sais plus combien il y en avait d'épisodes. On avait regardé en Il y en a huit, je crois. On en a à la moitié, je crois. On est déjà à la moitié. Ouais, il y en a huit. Nous sommes déjà à la moitié. Bah, il y a eu deux épisodes à la première, dès la sortie, d'un coup. Oui, d'ailleurs, j'ai plutôt apprécié. Moi. Ça vous a du bien. Voilà. Donc du coup, Ahsoka, qui est une petite série, voilà, créée par Dave Filoni, le spécialiste de Star Wars. Si je peux me permettre de dire ça, je sais pas dire. Oui, tu peux te ouais, permettre de dire ça. Oui. C'est le seul qui comprend l'univers Star Wars depuis George Lucas, je pense. Oui, c'est vrai. Et on est dans la même idée que le livre de Boba Fett et puis de Obi-Wan, c'est-à-dire qu'on est sur des spin-offs. Qui va ah, peut-être pas Obi-Wan, mais plutôt du côté, on va dire plus le livre de Boba Fett, on est sur un côté d'une série qui tourne autour de Mandalorian. Voilà. Contrairement aux deux autres qui sont Andor et puis Obi-Wan, qui sont, je crois qu'ils sont pas à la même époque. Hein. Mais en tout cas, on est sur une série qui tourne autour et on suit les aventures d'Ahsoka Tano. Alors, moi, je suis pas d'accord parce que je suis permis de regarder, tu sais, et aussi Laurent, de regarder les synopsis, tu sais, des différents sites. Je trouve ça intéressant d'aller voir ce que dit tel site sur le résumé de série. Et il y a un point commun, ils disent tous qu'il y a la recherche de l'amiral Thrawn. Oui. Bah, c'est la suite directe. Je suis pas forcément d'accord. Tu vois. Bah en fait. Quelle est vraiment la recherche? Ouais, elle cherche le. Il y a un seigneur site là qui s'appelle, je sais plus comment. Elle en parle aussi autre que Thrawn. J'ai oublié son nom. D'action, voilà, ouais. Qui va être lié au nouvel univers. Je pense qu'en fait, Filoni est en train de parler d'un nouvel univers qu'on ne connaît pas pour pouvoir développer, je pense, son futur Star Wars qui n'aura rien à voir avec ce qu'on connaît actuellement pour sortir de l'obligation de faire des liens entre les Anakin, etc. Faire un autre univers. Ouais, ça serait bien de repartir complètement sur un truc neuf. Ouais. Bah, en tout cas, moi, j'ai pas cette impression-là qu'elle est vraiment à la recherche de du grand amiral. Oui, je pense qu'il va y avoir. Il va y être dans la série, ça c'est sûr. Oui, mais pas forcément qu'elle la recherche. Je dirais plutôt que. Même pas la recherche d'Ezra. Je pense qu'elle veut juste éviter que l'Empire prédomine, tu vois. J'ai plus cette impression-là que vraiment qu'elle soit à la recherche d'un méchant. On n'arrive pas trop à la cerner, hein, de toute façon, à ce cas. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça se déroule dans. Alors, la période, c'est après le 9. C'est ça. Donc, après le 6, pardon. On est après l'épisode 6. Entre le moment où l'Empire a chuté et au début de la Nouvelle République. Enfin, on est au tout début d'ailleurs, hein, je crois, de la Nouvelle République. C'est la suite directe de Star Wars Rebels. C'est ça, de Star Wars Rebels. Alors, voilà. Et on suit donc Ahsoka Tano et on va faire les personnages un par un, puis vous me direz ce que c'est. En tout cas, on suit, la série est centrée sur elle. Ahsoka Tano, pour faire bref, pour ceux qui ne savent pas qui elle est, si vous regardez la série Clone Wars, c'est la Padawan d'Anakin Skywalker qui devient plus tard Darth Vader. Enfin, ça, je pense que la plupart des gens le savent, j'espère. En tout cas, s'ils ne le savent pas, vous allez regarder la série Clone Wars. C'est lui qui devient Darth Vader ? Non. Je crois. le doute m'habite. Je sais. En un seul mot, hein, bien sûr. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Laurent, toi qui n'es pas un fan, vraiment, vraiment fan, t'aimes bien Star Wars, mais je ne suppose pas que tu n'es pas un super fan comme nous, avec Olivier et Tony. Mais toi, est-ce que Ahsoka Tano, t'étais inconnu? Alors, je savais qu'il y avait une série animée. Mais je ne l'avais pas regardé et j'ai découvert justement ce personnage-là avec Mais la série là, qu'on est en train d'étudier, voilà. Je, pour l'instant, je j'en dis pas plus, mais ouais, je viens de découvrir ce personnage. D'accord. Est-ce que ce personnage te plaît ? Parce que tu connaissais pas vraiment le personnage dans la série. Parce que nous, eh bien, avec Olivier, on l'a vu petite, grandir aux côtés de... Parce qu'elle n'était pas grande comme ça, hein, quand on l'a connue, elle était vraiment petite. Mais c'était une jeune. Mais du coup, est-ce que toi, ce personnage-là, il t'emballe ? Est-ce que tu l'apprécies ? Je suis agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à m'attacher à ce personnage et à la série à ce point-là. Parce que là, les quatre épisodes, je les ai avalés d'un seul coup. C'est vraiment, j'ai pas pu me décoller. Franchement, personnellement, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, bah, parce que peut-être que j'ai un œil. Un œil neuf. Ouais, un œil qu'on n'a pas forcément. Voilà. Et l'œil du visiteur lambda. Voilà. L'œil du tigre. Parce que moi, il y a des choses qui me gênent un petit peu, mais bon, pas. Voilà. Vas-y, justement, Olivier, qu'est-ce qui te gêne, toi ? Bah, en fait, ce qui me gêne, pourtant, c'est. J'adore l'actrice, hein, Rosario Dawson, je crois qu'il s'appelle, qui était aussi dans le Marvel. Daredevil. Daredevil, voilà. Non. C'est une très, très bonne actrice, qui est très jolie, en plus. Qui... C'est une infirmière. Oui, c'est une infirmière. C'est une infirmière. je trouve qu'elle est. Elle est totalement inexpressive. Par rapport au dessin animé quand on avait découvert dans le petit dessin animé Star Wars, je la trouve pas expressive en fait. Alors moi je dirais elle est moins punchy. Oui, mais enfin, je sais pas, elle me paraît un peu molle. D'accord. Mais bon, c'est juste. Sinon, la série m'a plu beaucoup, surtout le dernier épisode. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et les effets spéciaux sont quand même assez hallucinants. Je trouve que ça pourrait sortir au cinéma sans rougir. Surtout l'épisode 4. Ah, mais tous. Ah, carrément. Même l'épisode 3, quand elle sort sur le vaisseau pour se battre au laser. Ah non, c'est le 4, ça. Non, c'est le 3. Le 4, ouais. Non, le 4, c'est quand elle sort avec ses sabres laser. C'est dans le 4. Non, le 4, c'est celui qui vient de sortir hier. Bah oui. Donc, quand elle sort sur le vaisseau, tu sais, quand elle se fait attaquer par des vaisseaux spatiaux. Oui. C'est pas dans le 4 ? Non, c'est l'épisode d'avant. D'accord, ok. Mais voilà. Si, c'est dans le. Non. Ah oui, après, oui. Ah, bah, allez, on reprend dans la forêt. Tu as raison. C'est la fin du 3, par contre. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, vu que les épisodes durent 30 minutes, tu sais, ça va super vite, je trouve. Donc, du coup, pas tout. C'est comme souvent sur les séries Disney+, tu as des épisodes qui font 30 minutes, d'autres 50. Enfin, c'est un petit peu. Dis-moi, ouais, comme je les ai regardés d'affilée, ça va être compliqué. Ah oui, toi, tu les avais toutes d'affilée. Moi, j'ai regardé d'affilée, donc pour dire si c'est le 3 ou le 4, des fois, ouf. D'accord. Ah non, moi, j'étais au taquet, j'ai regardé ouais, pareil. Le jour même. Ouais. Et du coup, Ahsoka, bah, moi, j'ai bien aimé. Enfin, déjà, Rosario Dawson, c'est une série que j'aime beaucoup. Elle jouait dans les Marvel qui étaient sortis sur Netflix à l'époque. Donc, t'avais Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Elle faisait le lien entre les quatre. C'était Elle est dans Antenne Machine aussi qui vient de sortir. Ah oui, aussi. Bon bah écoute, ouais, voilà. Ouais. Donc elle a déjà travaillé chez Disney quoi. Voilà. Oui, voilà. Et moi je l'ai trouvée plutôt charismatique, Ahsoka. J'ai beaucoup apprécié. Après, je trouve que elle est un peu plus fofolle dans Clone Wars et dans Rebels. Oui, elle est un peu plus dynamique. Sérieuse, là. Elle est un peu plus dynamique. Elle est un peu voilà. Ouais. Inexpressive, on va dire. Ouais. Oui, après, je trouve pas ça forcément dérangeant, mais bon. Voilà. On a aussi comme un autre personnage qui est apparu. Alors, juste avant d'en parler des autres, ça, c'est plutôt à toi, Olivier, que c'est qu'on. J'ai posé la question et après à Laurent. Deux questions différentes. Voilà. Olivier, as-tu vu Star Wars Rebels ? Oui, il y a très longtemps. Et c'était mon dessin animé préféré de Star Wars. Bien plus que c'était Clone Wars. J'ai préféré celui-là. J'ai vraiment accroché parce que Clone Wars, j'aimais pas trop le graphisme. En fait, j'accrochais pas trop. Star Wars Rebels, c'est un peu identique, mais je sais pas, il y avait un truc en plus. C'était plus, on avait plus l'impression de regarder un film Star Wars comme je les aime en fait. Enfin, bref. Ouais. Et donc, je me rappelle du dernier épisode et quand tu vois la scène d'introduction du premier épisode d'Ahsoka, ça te rappelle vraiment la fin de la série, en fait. D'accord. Bah justement, ça peut vraiment coller à la suite. Et moi, quand j'ai vu la série, je l'ai regardée avec Julie. et qui est mon épouse pour nos auditeurs. Julie, qui n'est pas fan de Star Wars, mais du Mandalorian, elle a beaucoup aimé. Obi-Wan, elle a bien aimé. Alors que moi, j'ai pas aimé. Bref. Et moi, je me suis dit, il y aura un problème, parce qu'en fait, j'ai vu Rebels aussi, mais je me suis dit, comment ils vont introduire Ahsoka, Thrones, et Ezra, Sabine et tous les autres, comment ils vont les introduire sans que ça brouille l'accessibilité de la série à tous. Tout début, quand tu regardes la série, le premier épisode, Laurent, normalement, tu vas confirmer vu que tu as vu tout d'un coup, tu sais, le traditionnel pamphlet qui passe là, voilà, où ils font une sorte d'introduction, voilà. Est-ce que tu trouves, toi, Olivier, qu'il faut avoir des connaissances sur la série Rebels pour apprécier au mieux la série? Parce que je trouve que ça limite, s'il y a trop de références, j'ai peur que cette série ne soit pas accessible à tous. Je pense qu'elle l'est, accessible à tous, parce que tu comprends. Alors après, ce que tu peux éventuellement pas trop comprendre, c'est quand il parle d'Ezra, parce que si t'as pas vu la série, il cherche Ezra, qui était le héros principal de la série. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre si tu l'as pas vu, je pense. Mais sinon, non, tu comprends vite les enjeux, tu vois qui sont les méchants. Mais Ezra a quand même une place majeure, parce que quand tu regardes Sabine, par exemple, une des héroïnes qu'on parlera tout à l'heure, elle veut absolument le voir. Sabine, tu sais pas qui c'est, tu vois au tout début de l'épisode 1 qui t'explique qu'ils ont sauvé, les rebelles ont aidé la Nouvelle République à arriver, etc. Tu vois, tu as des personnages qui sont intégrés, mais comme ça, à sec, tu vois. Ben, je connais des gens qui n'ont pas vu Star Wars Rebels et qui ont aimé, hein. Donc oui, non, mais je dis pas qu'ils ont pas aimé, mais je te parle de l'idée, est-ce qu'on pourrait pas perdre le spectateur, tu vois, d'entrée. Parce qu'au fur et à mesure que tu regardes l'épisode, t'es plus perdu. Faudra demander à Laurent, en fait, parce que c'est effectivement. Voilà, d'où la deuxième question, Laurent. Laurent, est-ce que tu t'es pas senti perdu dès le départ par l'arrivée de personnages comme ça et d'une histoire que tu ne connais pas forcément d'avant? Mais non, pas du tout, parce que le Ezra, justement, est. J'ai un trou de mémoire. Sabine, voilà, c'est des personnages que je ne connaissais pas du tout. Mais alors, je vais parler un peu de moi en général. Quand je regarde des films, des fois, il y a des films avec de l'intrigue et tu découvres des personnages et tu ne sais pas forcément quel est leur but, d'où ils viennent. Mais au contraire, pour moi, ça m'a apporté de l'intrigue et ça a capté mon attention encore plus que quelqu'un, je pense, qui connaît déjà un peu l'histoire. Et par contre, ça m'a donné vraiment envie d'aller regarder Rebelle. Parce que c'est une excellente série. Pour ceux qui nous écoutent, ça m'a attiré vers une autre série maintenant. Tu vois, c'est marrant. Mm-hmm. Ouais, non, c'est vraiment. Enfin, c'est... Ouais. Vraiment... Après, il faut aimer le dessin. Hein, parce que c'est vrai que le dessin de Rebelle est particulier. Hein. Faut dire ce qui est. Ouais, il est comme Clone Wars. Enfin, il est un peu plus. Clone Wars, c'est particulier aussi. Hein, mais bon. Ouais. Mais Après, je veux dire, ça m'a pas du tout dérangé. Bon, bah tant mieux. Bah, en tout cas, je connais moi qui ont été perdus dès le départ, mais que en regardant l'épisode 2, 3 et 4, ça va. Bon, ça y est, c'est fait, tu vois, ça a déroulé. C'est plutôt dès l'épisode 1 un peu perdu, tu vois. Je vois Julie, j'ai dû lui expliquer qui était Sabine, donc j'ai mis sur pause, je lui ai expliqué qui c'était. Ezra, j'ai mis sur pause, je lui ai expliqué qui c'était. Mais du coup, elle avait peur d'être perdue après, si tu veux. Dire, putain, mais s'ils tournent tout le temps l'histoire autour de ces personnages-là, etc. Et au final, non. Au final, au fur et à mesure du temps de la série, on est de moins en moins, entre guillemets. On a moins de risques d'être perdu. En tout cas, on est d'accord sur le fait quand même que ça reste accessible. Faut dire ça. Ah oui, tout à fait, oui. Ça reste accessible. Je pense, apparemment, Laurent a bien apprécié, donc ça veut dire que oui. Parce que nous, c'est un peu si difficile j'arrive de... à suivre, c'est bon. S'il ne s'endort pas, c'est la barre. C'est le curseur. Si Laurent s'endort, c'est que c'est nul. Ah, c'est pas bon. On va appeler Bob. Bob, il va en faire moins de séries, il a dit. Donc voilà. Ouais, il y en aura moins. Ouais. On va parler de Sabine. Alors Sabine, que l'on voit. Sabine, c'est une Mandalorienne. C'est une Mandalorienne. Du coup, en formation de Jedi, on va dire, une Padawan. Enfin, elle enlève son casque, hein, quand même. Hein. Oui, elle enlève. Bon, elle remet aussi, quand même. Hein. mais voilà. Mais on a une Mandalorienne. Donc, c'est une Mandalorienne qui devient. Alors, je crois que c'est épisode 2, hein, fin du 2, je crois. Ou redevient, plutôt, pour ceux qui ont vu Rebels. Ou presque redevient la Padawan de Ahsoka. Voilà. Et je sais plus en Rebels si elle était la Padawan. J'ai un doute. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai vu. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Ou elle allait le devenir, mais oh, je sais plus. Bref. On a Sabine. Donc, Sabine. Alors, est-ce que tu as retrouvé, Olivier, la même Sabine que dans la série Rebels? Je dirais oui. Oui. Malgré qu'elle n'a pas son look habituel, parce qu'elle a les cheveux longs dans oui. au début de la série, alors qu'elle a les cheveux courts dans le dessin animé, comme à la fin de la série, en fait. Je trouve qu'ils ont bien casté l'actrice. Moi, j'ai pas été perdu. J'ai eu vraiment l'impression de voir Sabine. J'ai l'impression qu'elle joue mieux le rôle que le scénar. Je sais pas si t'as compris. Elle a une prestance. Je trouve qu'elle en impose plus à l'écran qu'Ahsoka, justement. Et c'est comme Hera. Je trouve qu'elle est, elle est bien rendue aussi. J'ai l'impression de voir le personnage du dessin animé. Quoi. C'est quand même assez bien fait. Ouais. Bon, on s'y retrouve. C'est vrai que c'est. Oui, on s'y retrouve. En tout cas, toi, Laurent, Sabine, t'en as pensé quoi? Toi, tu disais que tu avais apprécié, toi. Oui, bah, c'est un personnage à caractère très fort, et ça, j'aime ça. Des fois, son caractère est tellement fort que c'est presque prévisible, quoi. Quand on lui dit de ne pas faire ça, bah, va le faire, hein. C'est clair. Bon. Ouais, c'est vrai. C'est un cas, peu c'est... ça, mais bon, sinon, c'est un personnage pour moi qui est très attachant parce que je sens qu'il y a de la force. Vraiment, elle a beaucoup de force. Bah, elle ne sait pas encore l'utiliser. Enfin, du moins, là, elle n'arrive pas à utiliser la force. Ouais. Mais on pourra peut-être voir par la suite si elle arrivera à la maîtriser, sa force. Ouais. On verra bien. En tout cas, moi, j'ai trouvé que quand même si c'est, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Même l'actrice, elle joue super bien. C'est Natasha. J'ai regardé Liu Bordizzo. Et j'ai trouvé quand même qu'il y a certains moments où elle n'était plus. J'ai trouvé qu'il y a certains moments similaires, notamment dans les combats. Je la trouve plus charismatique dans la série, dans Rebels, que là. Là, je la trouve un peu encore bébé. Oui. C'est vrai. C'est un peu. Sauf que quand elle met son casque de Mandalorien et qu'elle retrouve ses flingues, là, on retrouve la Sabine que l'on connaît. Mais dès qu'elle a le sabre laser et qu'elle doit utiliser. Bon, après, c'est peut-être aussi le scénar qui fait ça. Elle est un peu plus sur. Sur la défensive, entre qui. Voilà. On a comme troisième rebelle Hera Syndulla, la générale. Je ne me trompe pas. Ouais. Oui. C'est cette femme que vous voyez avec les deux tentacules vertes. Voilà. On la revoit. Comme les esclaves de Jabba. C'est vrai, oui. Alors, moi, c'était ma préférée dans Rebelle. Je ne sais pas, toi, Olivier. Moi, à l'époque, j'aimais beaucoup Ezra, en fait. Ezra. Et j'appréciais Sabine aussi. J'aimais tous les personnages, en fait. Ils étaient tous tellement charismatiques. Ah, j'aimais bien Hera. Hein. Donc, c'est la générale pour la Nouvelle République, on va dire ça, qui apparaît. Bah, elle apparaît dans tous les épisodes. Elle apparaît pas dans le dernier? Si, dans son vaisseau, avec son fils. Ah oui, exact. Mais pas longtemps. Voilà. On la voit jamais longtemps, de toute façon. Ouais, pas longtemps. C'est l'épisode 2 où ils vont dans le port interstellaire. Oui, on la voit un peu plus, c'est vrai. Mais un peu plus, ouais. En tout cas, on a Ahsoka et Sabine qui peuvent toujours compter sur la générale Hera Syndulla. Alors, Laurent, est-ce que tu as apprécié ce général-là? Oui. J'ai rien à dire sur ce personnage-là. Dans les Star Wars, il y a toujours des grands généraux. Et pour moi, elle a la carrure, elle a la classe. Moi, j'aime beaucoup, hein. Franchement. Ouais. Elle en impose. Oui, carrément. Elle en impose. Bah, à la limite, tu vois, tu parlais d'expression, Olivier, je la trouve des fois plus expressive qu'Ahsoka. Tu vois. Non, mais Ahsoka, c'est franchement, je ne comprends pas. Parce que ça ne vient pas de l'actrice. Hein. L'actrice est très bonne. Mais je ne sais pas, le choix artistique de la faire inexpressive et molle, je n'arrive pas à me l'expliquer. Enfin bon. On va parler d'un autre personnage qui connaît aussi Marvel, qui a joué The Punisher. Zone de guerre, c'est un vieux. C'est un vieux Punisher. C'est un vieux, c'est même pas le premier, je crois que c'est le deuxième. Il a joué le Punisher en 2008 pour Marvel. Il a joué aussi dans Thor. Parce qu'il joue Volstagg. Dans Thor. Bref. Et il est décédé, l'acteur. Il s'appelait Ray Stevenson. Il est mort cette année. Vous saviez ou pas? Ouais. Ouais. Il est mort cette année. Il est tellement charismatique, franchement. Ouais. Ah, il a une carrière de fou, je trouve, déjà. Ouais, non, puis franchement, il est en... Et je croyais qu'il était américain, mais en mentionnant, il est britannique, en fait. Ah ouais ? Ouais. Ouais. Et il jouait dans une série que j'aimais bien, c'était... je sais pas si tu l'as vu, c'est Black Cell. Oui, oui, j'avais pas tout vu. J'en avais sur les pirates. Il joue Barbe Noire. Putain, cet acteur, il était exceptionnel. Ouais. Il était trop bien. Bref. Et il est décédé, mais il joue un personnage qui m'impressionne, c'est Belan Skoll. Voilà. Alors, moi, j'ai pas le souvenir qu'on l'ait déjà vu dans un Star Wars. En tout cas, pour moi, c'était tout neuf de le voir. Peut-être dans les bouquins. Peut-être dans les bouquins. Bon, en tout cas, c'est voilà. Et justement, ce personnage-là, donc ce qu'on sait, c'est qu'il a connu la période de l'épisode 1, 2, 3, l'épisode de 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'il a connu cette période-là de Jedi. Il aurait connu aussi Anakin, puisque c'est dans l'épisode 4 où il explique qu'il connaît très bien Anakin. Pas forcément très bien, mais qu'il connaît son tempérament. Voilà. Donc, on a ce Belan Skoll qui joue... Alors, moi, je dirais pas un Seigneur Sith. Olivier. Ça a l'air... Je pense que ça va être la surprise. Ça va être quelque chose d'au-dessus encore. Est-ce que tu penses qu'il est Seigneur Sith? Ben, en fait, ils ont l'air de parler dans le dernier épisode qu'il y a... On peut spoiler ou pas? Oui, oui, tu peux, vas-y. Dans le dernier épisode, Ahsoka se trouve dans un univers de la Force. L'entre-deux-mondes. L'entre-deux-mondes, où on voit Anakin Skywalker. Je pense qu'on va avoir une surprise au niveau de la Force. On va avoir une nouvelle variété de Jedi, je pense. Et j'imagine qu'il n'est pas ce que l'on pense, en tout cas. En tout cas, on peut dire, alors je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent, mais on pourrait dire que Belan Skoll est charismatique. Bon, l'acteur l'est, mais... Le personnage est énorme. Ah oui, il en impose. Est-ce que pour toi, c'est un méchant? Voilà, mais bon, là, on rentre dans le... Ah bah non, c'est intéressant. La philosophie, est-ce que Dark Vador est méchant? Non, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai peut-être être plus clair. Il n'est pas cruel, en tout cas. Et là, déjà, il n'est pas cruel, il ne tue pas de sang-froid, alors qu'un Seigneur Sith tue de sang-froid. Il tient ses promesses, alors qu'un Seigneur Sith ne tient pas. Il cherche pas forcément à avoir le... Quand tu regardes, il ne veut pas forcément sauver le... Il ne veut pas forcément que Thrawn revienne. Enfin, tu ne sais pas trop. En fait, c'est ça le truc, tu ne sais pas ce qu'il veut. Il répète 2-3 fois, je crois, il faut détruire pour reconstruire. Si tu te souviens, il le répète plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Mais en fait... Il n'a pas l'air aussi passionné que ça à faire revenir Thrawn. Alors que la plupart alors c'est la sorcière qui voudrait absolument la faire revenir et d'autres. Mais lui, il n'est pas forcément plus passionné. Il les aide, mais sans conviction particulière dans son retour. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, oui. On a l'impression qu'il a un but caché. Enfin, c'est ça. Mais ça, voilà. Moi, je pense qu'il a une conviction personnelle, mais on ne sait pas trop encore quoi. Il obéit plus à quelque chose en lui-même plutôt que aux ordres qu'on lui donne. Enfin, j'essaye de m'expliquer, mais non, mais on a compris, t'inquiète pas. Ça rejoint. mais en tout cas, moi, j'arrive pas à dire que c'est un Seigneur Sith et j'arrive pas à dire que c'est un Jedi. Tu vois. Parce que quand même, quand tu regardes, quand il parle, on va en parler tout à l'heure de sa Padawan, Shin, elle est géniale. Enfin, ouais. Oui, on en parlera. C'est Shin qu'elle s'appelle, je crois. Shinati, voilà. Joué par Ivana Sackno. Mais en tout cas, je trouve qu'il lui donne quand même un sens moral. Par exemple, elle va pour tuer un moment, à la fin de l'épisode 4, elle va tenter de tuer Sabine. Il fait non, j'ai dit qu'on la touchait pas, on la touchait pas, quoi. Voilà, point barre. Petit aparté, vous trouvez pas qu'elle ressemble à Scarlett Johansson? Oui, je crois que c'est la coupe de cheveux ou le style. Ouais, mais le visage même, je trouve qu'elle y ressemble beaucoup. Enfin, bon, le style cuir et fouet. Cuir et fouet. Non, ça c'est Catwoman, ça. Oui, c'est vrai, pardon. Je n'ai pas chez Marvel. En tout cas. Chez DC. Pardon. En tout cas, j'ai pas cette conviction réellement qu'on peut dire que c'est un méchant. Non, c'est. Ça a l'air d'être un homme d'honneur, il le précise à la fin de l'épisode d'ailleurs. Il dit, Je pense qu'en fait, il est convaincu de faire le bien parce qu'il est convaincu par une cause, tout simplement. Donc, c'est ça, oui. Il est convaincu par sa cause. Et puis voilà. Pour lui, c'est ni un méchant, ni un gentil, mais oui, laquelle, ça va être le mystère. Ouais, c'est ça. Laquelle, ça va être le mystère. Oui. Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler du droïde du Yang. Ah non, bah, on peut en parler, vas-y. Il est hyper charismatique, il est super expressif, enfin, cet androïde, enfin, ce droïde, il est absolument génial. Il est très vieux. Et en plus, il est en version anglaise, il est doublé par un de mes acteurs préférés, qui est David Tennant, qui a fait Doctor Who, entre autres. D'accord. Et il a une voix en VO, il a une voix exceptionnelle, cet acteur. Donc, Ça ajoute un... Tu m'as donné envie de le regarder en VO. David Tennant, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais tapez ça. Tu vas dire, ah oui, ok. Bon, bah écoute, on regardera, je vais regarder. C'est lui qui a joué Doctor Who ? Ah, il a fait un des Doctor Who. Lui qui est assez grand, fin, style anglais, avant que ce soit une femme ? Non. Entre temps, il y a eu un autre, il y a eu Matt Smith, qu'on a vu dans le dernier Game of Thrones. Hein. D'accord. On regarderait au pire. Ou House of the Dragon, mais enfin, tu regarderas. Bon, je regarderai. Tu as forcément vu. Oui. En tout cas, oui, mais il est très très vieux ce droïde là, je crois, hein, qui date de. Mais il a connu lui les débuts. Non, il n'a pas connu les débuts, je vais dire une connerie, mais il a connu les Jedi il y a longtemps, lui. Déjà bien avant l'épisode 1, je crois, non ? Parce qu'il connaît le credo des Jedi par cœur. Ouais. Puis on voit que il est pas super moderne. Non. Puis il sait pas se battre. je trouve qu'il a vraiment une âme, ce robot. C'est vrai. Après, moi, c'est pas ce qui m'a plus. Moi, il m'a fait. J'ai plus vu comme un personnage secondaire qui est là un peu pour c'est dire au personnage attention, on a des règles, faut les respecter hein, si on est Jedi. Et puis, on s'en fout. C'est 3PO d'Asoka. C'est 3PO d'Asoka, en fait. Un peu. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est trop mais il y a un moment, il a fait résonner Sabine quand même pour lui faire comprendre qu'il faut qu'elle se reprenne. Il a un rôle quand même, un bon rôle. Bah, oui, mais dans l'épisode 4, on le voit pas. Hein. Mais il est comme tu dis, il a un bon rôle parce que ça me fait rappeler un moment. À un moment, il dit avant qu'elle aille, c'est dans l'épisode 3 du coup, avant qu'elle parte dans la forêt toutes les deux, il dit vous êtes plus fortes quand vous êtes toutes les deux ensemble que séparées. Ouais. Bon, après, elles font les deux idiotes, chacun part de son côté. Mais non, c'est dans l'épisode 4, non ? Oh, je sais plus. Bref, et pour dire, on est sur. C'est vrai qu'il est, il est attachant. Voilà. Mais bon. Moi, je le prends plus comme un personnage, comme dit un serait 3PO, c'est qu'il rappelle les règles, et puis t'as toujours les autres qui disent oui, c'est bon avec tes règles. À un moment, je crois qu'il arrive, il va loin de l'étoile, il dit non, mais ça, c'est les protocoles Jedi, il faut arriver de loin pour observer la situation, et puis, mais non, mais va jusqu'au bout. Voilà. On va dire que c'est leur Jiminy Cricket. On peut dire ça, Olivier ? On peut dire ça. C'est clair. Voilà. Métallique. Voilà. Bon, on va parler d'un autre personnage que aime beaucoup Olivier, du coup. Voilà. Il faut dire ce qu'il est, puisque tu la trouves ressemblante à Scarlett Johansson. Oui. Voilà. Alors, est-ce que tu l'apprécies, Shin ? Beaucoup. Je trouve. Nouveau personnage, hein. Ouais, bah c'est comme. La Padawan de Baylan. C'est comme Skull, Baylan, je trouve qu'ils font un duo de ouf, quoi. Elle est hyper impressionnante, elle est charismatique. De toute façon, cette série, là, son point fort, c'est les personnages, je trouve, qui sont très très charismatiques. Elle envoie du pâté, quoi. Quand elle se bat, on sent qu'elle est haineuse, qu'elle a du mal à se contrôler. Ça fait penser un peu, c'est un peu le côté noir d'Obi-Wan et d'Anakin, en fait, finalement, Baylan et Shin. Et justement, tu vois, comme Baylan, est-ce que tu as l'impression que sur le fond, elle est vraiment méchante ? Baylan Skrull ? Non, Baylan Skrull, non, mais justement, comme Shinati, est-ce que c'est comme, on a dit tout à l'heure, on ne pense pas, parce qu'on a dit que Baylan Skrull était vraiment méchant. Mais est-ce que tu penses que Shinati, elle, par exemple, elle pourrait l'être ? Pas forcément, elle est plus incontrôlable comme l'était Anakin, en fait. Ah mais si elle perd, imagine qu'on demain Baylan Skrull meurt. Elle serait toute seule, elle serait en roue libre, tu vois. Oui, ben, de toute façon, je pense malheureusement il ne sera pas dans la saison 2. Mais, ou alors il remplace l'acteur. Mais moi, je pense que pareil, elle a une haine pour Ahsoka et puis Sabine, enfin pour les gens, pour les rebelles, on peut dire, on peut les appeler comme ça, parce qu'elle a dû subir quelque chose, je pense. On ne sait pas tout. On a l'impression. Alors moi, je pense pas qu'elle a de la haine. Moi, je pense que juste qu'elle doit exécuter une mission et elle y va, tu vois. C'est binaire, c'est 1 ou 0. Je dois tuer quelqu'un. Je tuer quelqu'un. Ouais, je sais pas. Bah, moi, j'ai cette impression-là. J'ai pas l'impression qu'elle a de la haine. Je pense qu'on lui dit, bah, tu tues Sabine, point barre. Il va pas se faire. Voilà. Ouais. Tu vois. J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose aussi, mais bon, après. J'ai pas l'impression qu'elle soit réellement méchante ou qu'elle deviendra méchante. C'est moi, justement, tu parlais de duo, on va parler de duo. On a deux duos. On a le duo. Ahsoka, Sabine et Bélan Skoll. Mm. Voilà. Ah oui, ouais. Laurent, t'en penses quoi, toi, de ces duos-là? Je rejoins tout ce que vous avez dit, en pensant, c'est vrai, à Chinatic, je pense qu'elle est comme ça aussi parce qu'elle veut, elle ne veut pas décevoir son maître. Quand il lui donne un ordre, il faut absolument l'exécuter, quoi qu'il en coûte. Et c'est pour ça qu'à un moment, elle perd un peu les... Elle s'énerve parce qu'elle voit qu'elle n'y arrive pas, quoi. C'est l'opposé. Ouais. C'est vrai que c'est... On a un côté... En fait, ça, on a un truc, moi, ça me fait penser, c'est... T'as un duo de bras cassés. T'as un duo qui est un peu plus cadré. Tu vois, ça fait penser à ça. Voilà. Oui, c'est ça, parce finalement, Sabine, elle trahit Ahsoka à la fin. Oui. Mais du coup, je pense qu'à un moment donné, ils vont tous être ensemble. À un moment donné. Voilà. Il y a deux autres personnages que je voudrais parler, qu'on n'a pas encore parlé. C'est du chat. Ah oui. Ah oui. Parlons du chat. Faut vendre des pluches. Ouais. Disneyland Paris. Écoutez. Ouais, dans Star Wars Trader, où sont ces chats? Il faut ces chats. Ils existent aux États-Unis, hein, donc. Bah justement, dans Star Wars. Il faut nous les aussi. Bah oui, il faut aller dans Star Wars. Bah. Ouais, mais nous on veut des chats de Star Wars. Voilà. Ils sont tout mignons, voilà. Et un autre personnage dont on ne parle pas assez et pourtant qui est là, qui est sous-jacent, qui est là à présent. Ce sont les baleines stellaires. Parce qu'en fait, le cœur du sujet, c'est les baleines stellaires. Pourquoi je dis ça, Olivier? Bah, c'est le centre de tout. C'est elles étaient présentes dans Rebelles. Dans Rebelles. Mandalorian. Oui, c'est des baleines. Ce sont des animaux qui ont la faculté de voyager en vitesse lumière. C'est ça. Dans l'espace, et qui migrent, voilà, de galaxie en galaxie. Exactement. Et pourquoi, Laurent, c'est important? C'est parce que ces baleines stellaires-là, donc comme disait Olivier, c'est qu'elles migrent de galaxie en galaxie et des galaxies d'ailleurs que notre univers Star Wars ne connaît pas. C'est ce que voulait dire Olivier, je pense, tout à l'heure, quand il parlait d'univers Star Wars Universe. Oui. Mais, et en fait, ils ont besoin, parce que dans le dernier épisode de Rebels, il y a Ezra et le général l'amiral Thrawn qui sont sur une baleine stellaire, qui les envoient, qui partent. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'on a cette impression-là où les antagonistes veulent voir leur tracé de migration, on peut dire ça. Hein, oui, on peut dire ça comme ça. Oui, oui. C'est une migration comme ça. Ouais. Voilà. Et en fait, pour savoir où sont réellement Ezra et Thrawn. Voilà. Regarde, il dort. Regarde. J'étais en train d'écouter et je me disais. Je fais Laurent. Je te vois pas de toute façon. Alors pour ceux qui se paraissent sans sa chaise en escalier. Quand j'ai vu ces belles baleines stellaires, je me suis dit, oui. Ah. Elles ont une importance capitale, je le sens, mais comme j'ai pas vu Rebelles, et pourtant, je crois que dans Mandalorian, il y a que vous qui les voit. Mais on les voit d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, ils sont en vitesse, vitesse lumière, et à un moment donné, si on fait attention, on voit des baleines, mais c'est pas précisé. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, ça m'a, tu vois, ça me pose plein de questions par rapport à ces animaux-là. C'est des animaux. Donc il va falloir que je regarde Rebelle. Je regarde Rebelle. On a aussi alors un autre personnage. Alors moi je la trouve pas forcément. Enfin, elle est là, mais c'est comment elle s'appelle, la sorcière de la nuit là. Ah là, moi, je l'aime bien là. Oui, la méchante là. Oui, j'arrive plus. Tu vois comme quoi, elle nous a pas marqué. Non, c'est pas ça. Toutes les sorcières s'appellent Morgane de toute façon. C'est Morgane, je crois, non, qu'elle s'appelle en plus. C'est Morgane, je crois, ouais. Bon, bref. Comme quoi, tu vois, c'est... Morgane Health's Best, celle qu'on... Oui, oui. C'est pareil, que tout commence, en fait, la série. Oui, oui, parce que c'est elle qui a... Son sauvetage. Son sauvetage, voilà. Donc, un personnage qui est une sorcière de la nuit. En gros, elle vient de la planète... Oh, c'est la planète de Dark Maul. J'arrive plus à trouver le nom. Je ne me rappelle plus. C'est pas d'Atomir. Oh, si Tony nous écoute, il va dire non mais c'est ça. Ah, oui. Allez, je crois que c'est je vais le faire engueuler. Hein, je vais le faire engueuler. Il va nous écrire demain. Faire, ah, je crois que c'est un délit correctif. Voilà. Quoi cette histoire? Ouais, il va ramener les correctifs. Voilà. Voilà. Voilà. On a fait un tour des personnages, je pense. On a même fait un droïde. Oui. Oui, je crois qu'on a. Il y a un petit droïde qui s'appelle Chopper, il est mignon comme tout. Oui, mais il est dans Rebelle aussi. Ah oui, c'est vrai. Et à un moment, il cherchait un traceur et puis c'était trop marrant, il levait les bras, il s'énervait et tout. C'était franchement trop humain, le droïde. Et je crois qu'il est en vente à Disneyland Paris. Ah ouais? Ah bon? Il me semble qu'il vend pas de chat. En téléguidé, il coûte dans les 100 euros. Moi, je veux un chat. Ah là là. Moi, je veux un chat. Moi, je veux un chat. Ça va se trouver. Il y en aura à la boutique Star Wars. DLP, il y en aura sans doute. Ça va arriver. J'espère. Alors, question, mon petit Olivier. Tu aimes beaucoup cette série. Mais, enfin, je veux dire, est-ce qu'elle répondait à tes attentes avant même qu'elle sorte? Du moins, on est qu'à l'épisode 4. Hein, donc, ça se trouve, le 5, 6, 7, 8, ils vont être super bien, etc. Oui, oui. Mais pour l'instant. Pour l'instant. J'ai envie de dire oui, il y a quand même des moments qui m'ont un petit peu déçu, il y a des scènes qui sont étonnamment longues et inutiles. Exemple. Bah, la toute première par exemple, quand elle arrive et qu'elle va chercher la boule de pétanque au but. Je trouve pas, parce qu'après le combat de sabre laser c'était bien. D'ailleurs dans la sphère on dirait une boule de pétanque. Oui, non, mais le combat était très bien, mais en fait elle tourne autour des piliers, ça dure 3 plombes. On la voit baisser tous les piliers. Enfin, je sais pas, ça manque un peu de rythme. Et quand elle forme Sabine dans le vaisseau à se battre à l'aveugle, c'est une sorte de remake d'une scène. Ouais, ça, ouais. C'est le genre de scène, t'as pas besoin. C'était mou, c'était un... Donc en fait, il y a quand même des petits défauts. Comme la dernière saison de Mandalorian, c'est hyper généreux en action, en effets spéciaux. Qu'as-tu pensé des combats de sabre laser? Oui, ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont... Tu les trouves bien? Mieux que dans la série Obi-Wan? Ah oui. Ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Ça a rien à voir. C'est un peu plus péchu. On n'est pas au niveau de l'épisode 1, 2, 3, mais... Non. Ah bah non, on n'est pas sur des saltos arrière. C'est impressionnant. C'est bien rendu, surtout dans le dernier épisode. Moi, j'aime beaucoup. Donc globalement, et je trouve qu'en fait, ce qui est quelque chose qui m'étonne, c'est que les effets spéciaux sont extrêmement réussis, 1000 fois plus réussis que les effets spéciaux du DCU en général, que ce soit dans les films ou dans les séries. Oui. Laurent, toi, est-ce que cette série répondait à peu près à tes attentes ou c'est une totale découverte? C'est une totale découverte et pour répondre, je suis vraiment, comme j'ai dit, agréablement surpris. Hein. Je suis vraiment très content et j'attends les 4 autres épisodes avec impatience. Alors, est-ce que tu vas attendre que les 4 sortent pour tous les regarder ou tu vas regarder chaque mercredi? Non, je vais regarder chaque mercredi maintenant. Ah. J'en peux plus. Alors, pour ma part, moi, alors je, de manière générale, vous connaissez la politique, c'est que je n'attends rien, comme ça je vais être sûr d'être surpris. J'ai cette impression-là, on n'est pas arrivé au maximum de la série. Voilà. Notamment, la fin de l'épisode 4 avec Anakin me fait penser qu'on n'est pas encore au bout du potentiel de la série. Mmh. On pense la même chose avec Secret Invasion. Oui. Sauf que ça fait un flop. Et la fin. Voilà. Et après, on aura Mika qui va nous écrire tout ça pour ça. Sauf que Secret Invasion, c'est l'avant-dernier épisode qu'on a dit ça. Ouais, ouais. Alors que... Non, l'avant-dernier. Non, l'avant-dernier. Alors que là, on est sur la moitié. Voilà. Et on va dire qu'elle a éveillé mon intérêt, mais pour l'instant, je suis pas emballé, tu vois. Alors qu'Obi-Wan, j'avais du mal, vraiment. Là, j'ai vraiment pas de mal. Je regarde. J'éprouve de l'intérêt à chaque épisode. Je suis d'accord avec toi, il y a des scènes qui sont excessivement longues. Moi, déjà, dès le départ, moi, c'était la course-poursuite. Là. C'est dès le départ, quand Staline va pas à la fête qu'ils font pour la libération de la planète. Mmh. Elle se barre, tu sais, elle se barre avec son moto et sa moto, et vous voyez pas l'intérêt, quoi. J'arrivais pas à voir. Mmh. Voilà. Et toute cette histoire, tu sais, avec le globe pour ouvrir la carte, tout le monde y faisait, enfin, il mettait vachement de temps pour comprendre, et elle arrive et boum, elle met deux secondes, quoi. C'est souvent comme ça, il y a souvent des histoires un peu des raccourcis scénaristiques. Et la sphère, tu trouves pas que ça... Moi, ça me fait penser à une boule de pétanque, ça, je bloque un peu là-dessus. je suis sûr que c'est ça, parce qu'ils doivent pas connaître la pétanque aux États-Unis, tu sais. Il y en a qui allaient en Europe, oh, « Regarde, j'ai trouvé un truc !» Ça se trouve, c'est des boulots. La pétanque. La pétanque. Rubik's pétanque. Et il y a autre chose que j'ai un peu de mal, mais bon, après, je pense que c'est parce que c'est le début. Parce que là, la sphère n'existe plus. Mais les quatre premiers épisodes étaient aussi centrés sur la sphère. Et tu avais une sorte de course-poursuite. J'ai la sphère. Ah non, tu l'as plus, c'est moi qui l'ai. Je l'ai. Ah non, et si tu veux, ça m'a un peu gêné. Ou à chaque fois, il y en a un qui avait un tout petit peu le dessus sur l'autre au fur et à mesure. Ça m'a un peu gêné. Tu vois, dans le sens où, à la limite, comment elle l'a et puis elle se fait courser tout le temps pour qu'il la récupère ou l'inverse, tu vois. Mais j'ai du mal avec ce rythme-là. De course à poursuite à travers une sphère pour, qui est la carte, on va dire. Et moi, je l'ai, non, c'est pas toi qui l'ai, c'est moi, etc. Enfin, tu vois, même l'épisode 4, c'est elle la récupère, machin. Enfin, ouais, ça m'a un peu gêné. Voilà. C'est pas grand chose, mais bon. Voilà. Et les combats de sabre laser, oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas mal, hein. C'est franchement. C'est plus péchu que dans Obi-Wan, je crois. Ouais. Ouais, ils sont bien. Ils sont bien. Mm. Et puis, il y en a à chaque épisode. Oui, non, mais c'est. Oui, oui, oui. Oui, oui. Hein, ce qui... Du coup, c'est ce que je pensais. C'est ce que demandaient les fans, hein, en même temps. Oui. Du coup, c'était ma question que je vais te poser, Lié. Mm-hmm. Mando, on était d'accord de dire que ça faisait penser à un film de western, à une série de western. Oui, tout à fait. Est-ce que tu n'as pas cette impression-là qu'Ahsoka, on est plus sur un film de samouraï? Oh, tout à fait. De toute façon, Ahsoka. Samouraï de l'espace, tu vois. Oui, bah c'est exactement ça. Tu prends la première scène, ça fait tout à fait penser à ça. Le look d'Ahsoka, carrément. Ses chaussures, ses pieds, c'est carrément... C'est nippon. C'est là où très, Mando, très tu vois... Oui, bah, Mando, c'est Star Wars. Hein. Plutôt western. Ouais. C'est western. Plutôt western. Et là, Fellini, je pense moi, qu'il... Moi, je trouve ça agréable. Il se dirige... Il se dirige vers autre chose. Ouais. Je pense bon, qu'il y a... On va parler des théories après, si tu veux. Ouais, moi je pense qu'en fait il va nous présenter un nouvel univers et on va repartir à zéro. Faire des nouvelles histoires, des. Ça peut être bien aussi, hein. Tu sais, bah des fois, tout le temps des mêmes personnages. Parce que là, c'est un peu en kikinant, c'est alors je vais faire la suite, il faut que je me rappelle ce qui s'est passé dans le bouquin du mec qui a écrit en 92, et puis le film, et puis. Après, j'ai écrit. Là, je pense qu'il faut qu'il refasse un nouvel univers Star Wars. Ça serait bien. Alors, si on devait comparer cette série à Ahsoka. Entre Obi-Wan, Mandalorian, Boba Fett. Voilà. Olivier, tu le places où ? La série entre Mandalorian et Andor. Mais enfin, tu vas me dire. Je mets Andor, j'aime bien, parce que Andor, ouais, mais Andor, mais peut-être qu'on n'est pas sur du Jedi. Voilà, on n'est pas sur du Jedi. Non, c'est à part. Moi, j'ai pas. Ouais. On est sur du Obi-Wan. Allez, sur du Obi-Wan. On est au-dessus ? Ah oui, on est au-dessus d'Obi-Wan, c'est pas difficile. Hein. Quand tu vois le combat final avec Darth Vador qui s'est tourné dans une décharge publique comme t'as partout. On dirait que c'est papy, il fait de la résistance. Quoi, une réalisation molle du genou, c'était très très très moyen. Ça aurait dû être une série absolument énormissime, Obi-Wan. Surtout avec le retour d'Obi-Wan. Quoi. Tu dis, avec t'es Disney, tu fais une série Obi-Wan, t'embauches un réalisateur connu, digne de ce nom. Voilà, un mec qui envoie du pâté, tu fais pas. C'est on dirait un téléphone. Surtout que là, en fait, Obi-Wan est dans la fleur de l'âge, tu vois. Il est pas non plus papy, tu vois. Ouais, ouais. C'est du gâchis. Ouais. Ouais. Et par rapport à Mando, du coup. Mando, je l'ai particulièrement dans mon cœur, surtout la saison 1, parce que quand j'attendais plus de grand-chose de Star Wars, j'avais tellement été déçu par toutes les suites qui avaient été faites, y compris l'épisode 1, 2, 3 de George Lucas. Moi, il m'avait déçu parce qu'on changeait trop d'univers. Et là, j'ai vraiment l'impression, quand j'ai découvert Mandalorian, de revivre ce que j'ai ressenti avec les tout premiers Star Wars. J'ai l'impression que ce que tu dis va être réalité, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a cette impression-là, ce que tu dis, faire revivre Star Wars, ce que tu disais, quand on a connu Star Wars, on avait un empire fort. Enfin, quand tu regardes les débuts, c'est 4, 5, 6, donc tu as un empire fort, etc. Tu ne trouves pas que là, on a, et Laurent aussi, je te pose la question, toi qui as vu les films, tu ne trouves pas qu'on a cette nouvelle république qui est vraiment faible. Je la trouve naïve. C'est à un moment donné, il y a le général Syndulla qui parle au sénateur. Ils prennent pas position. Ils parlent sur un. Enfin, ils disent non, mais vous faites ça pour Ezra. J'ai l'impression qu'on n'est plus sur une république très faible. Tu vois, en force, en termes de force politique. Là, on a un empire, tu vois, qui a été puissant dans l'épisode 4, 5, 6. Comme le début de Star Wars. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. J'avais pas remarqué, mais oui, t'as raison. Quand tu vois les membres du. Ils veulent faire revenir de l'Empire, ils ont du caractère, tu vois. La sorcière, elle a du caractère, etc. On avait dans Mando, comment il s'appelle aide-moi. Il est mort en faisant son barbecue. En faisant son barbecue. Avec ses clones. Au Davy Crockett. Davy Crockett. Mince. On en a parlé. Dans Mando, le méchant. Celui qui était dans. Bon, bref. Il bat là, oui, d'accord. Oui, bon, voilà. Bon, bref, on sait qui c'est. Trop de mémoire, voilà, c'est l'été. Tu vois, j'ai trouvé charismatique. Là, je trouve qu'en fait, à part Ahsoka, Sabine et puis Jerry Sundula, pour le peu de personnages que tu as eu à part de la République, j'ai trouvé méga faible, voire naïf, quoi. Genre, l'Empire est prêt à revenir, tout se voit bien. Voilà. C'est bizarre. C'est vrai que c'est pas fou. Et du coup, comme tu dis, ça peut faire revenir le Star Wars que tu as connu, toi et Laurent. C'est-à-dire, le Star Wars, on avait une république très faible, ou même qui n'existait pas à une époque où un empire était très fort et qui était difficile à renverser. Parce que quand tu regardes bien dans les Star Wars, renverser une république, c'est facile, mais un empire, tu trames. Hein. Donc, voilà. Bon, bref. Voilà, je voulais dire. Autre chose que je voulais parler, c'est comment mon petit Olivier, c'est pour toi aussi. Tu as dit tout à l'heure, donc c'est au-dessus d'Obi-Wan. Tu m'as dit que ça répondait globalement à tes attentes. Oui. L'épisode 4, on est dans l'entre-deux mondes. Ahsoka donc n'est pas morte. Voilà. On savait qu'Anakin Skywalker allait revenir. Oui. Tu avais dit, à mon souvenir, peut-être que je m'avance, tu avais dit que c'était un flashback. Je crois que tu avais dit, il reviendra, mais en flashback. Oui, j'avais pensé ça, effectivement. Oui. Voilà. Ah bah justement, non. Que vient-il faire là ? Eh ben, on sait pas trop, justement. Je pense qu'il est dans un monde, dans un entre-deux mondes de la Force, où il est vivant. C'est peut-être là, tu sais, qu'on voyait tous les Jedi morts, qu'on voyait réapparaître. En fantôme. Mais là, il n'est pas en fantôme, là. Oui, mais on dit pas que c'est des fantômes non plus, quand on les voit apparaître. Ouais. Et je pense qu'en fait, tous les Jedi morts, entre guillemets, se retrouvent là. C'est une sorte de monde parallèle après la mort des Jedi. Enfin, j'imagine ça comme ça. Ouais, une sorte de purgatoire. Après, j'ai pas lu tous les romans, etc. Donc peut-être que c'est déjà expliqué plus ou moins ce monde dans certains romans. Mais en tout cas, parce que moi je suis surtout Star Wars au cinéma, en film en fait, ou en série et télé, ou en dessin animé, donc j'ai pas tout lu, hein, les écrits, parce qu'il y a une multitude de romans canon ou pas canon qui sortent, donc je sais pas si c'est déjà expliqué dans des livres, mais moi en tout cas je vois comme ça. Je l'imagine comme ça. D'accord. Laurent, est-ce que tu te doutais du retour d'Anakin Skywalker ou pas? Ou toi, t'as été surpris? Non, j'étais surpris. je ne m'attendais pas du tout à le voir. C'est... Mais tu vois, comme par hasard, juste à la fin, tu vois, pour... juste avant la pub, quoi, pour vite la semaine prochaine, ça va être dur. Ouais. Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que ça, les épisodes, je les trouve courts, quoi. Enfin, c'est marqué 30 minutes ou 35, en fait, avec le générique, t'en as même pas 30, quoi. C'est court. C'est ça. C'est... Mais par contre, la qualité, elle est là. Je préfère que ça soit court, comme ça, et qu'on ait de la qualité, et plutôt que ce soit un peu plus long et moins bon, quoi. Au niveau de la réal et des VFX, Olivier, est-ce que tu c'est au niveau d'un bon film de ciné pour toi ? Bah, moi, je t'assure que franchement, les effets spéciaux sont réussis, que mieux réussis que certains films du MCU, hein. Ouais, carrément. Surtout le combat spatial. Hein. Oui, franchement, c'est super propre, les fonds verts, tu les vois pratiquement pas, ou alors faut vraiment chercher à les voir. C'est un point de vue effets spéciaux, c'est exceptionnel, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, c'est top, hein. Franchement. Je suis bluffé, moi. Bluffé. C'est le genre de série, tu sais, tu vois les 8 épisodes et à la fin, tu te dis, bah tiens, je vais essayer de les regarder d'affilée. Ça fait un film, en fait. Bah, ça va être un gros film, hein, de 3-4 heures, mais ça fait un gros film, en fait. Parce qu'en fait, c'est un peu construit comme ça quand tu vois. Parce que c'est pas comme une série, tu sais, où tu as un vrai cliffhanger à la fin où il se passe un truc et puis tu pars sur autre chose. C'est vraiment la suite. C'est un film saucissonné en 8 parties. Ouais, bah comme. Mais il y a une période, ils pensaient le sortir au cinéma, hein, c'est comme Obi-Wan, et je pense qu'ils avaient déjà écrit le fil rouge. En fait, ils ont réadapté le scénario qu'ils avaient déjà écrit pour le cinéma, je pense, qu'ils ont réadapté en série. Laurent, toi, les effets spéciaux ? Bah, comme j'ai dit, je suis agréablement surpris. Hein. C'est un vrai régal de regarder le budget d'Ahsoka est plus élevé que celui d'Obi-Wan ? J'en ai aucune idée. Ça pourrait être intéressant de savoir. Parce que s'ils ont même budget... J'ai pas regardé. Bah, à mon avis, attends. Déjà... Alors, Ahsoka budget, how much did it cost ? Il fallait payer Edward McGregor aussi. Hein. Ouais, c'est clair. C'est pas forcément du budget, hein, des fois. C'est juste la qualité. Après, les effets spéciaux d'Obi-Wan n'étaient pas... Ils étaient un peu moins bien, mais c'était pas pourri non plus. Hein. Ouais. C'était aussi pour décor, mais... 10 millions de dollars par épisode ? Non, c'est pas ça. Non. Bon, après, si ça fait 100 millions, ça serait pas étonnant. Ça fait cher, là, quand même. 10 millions par épisode. Bah, pas vraiment. Quand tu vois le résultat, tu me dis peut-être. 10 millions, t'en as 8 à sortir, 80 millions. Bah oui. C'est comme un film. Hein. Bah, c'était plus un gros film. Hein. Secret Invasion, c'était pas 100 millions le total de tous les épisodes. 100 millions le total, ouais. Donc ça fait à peu près ça. Hein. Bah, c'est possible alors. Ouais. Bah, en tout cas, ça vaut le coup. Hein. Enfin, si c'est ça. Non, à mon avis, c'est pas le même studio qui s'occupe des effets spéciaux, c'est pas les mêmes que pour l'MCU, hein, je pense. Hein. En tout cas, s'il y a le même budget que Forrest Ransigny, mais si c'est le même budget qu'Obi-Wan Kenobi, c'est carrément mieux réussi, quoi. C'est carrément mieux réussi, hein, faut dire ce qu'il y a. La dernière saison de Mandalorian, était, point de vue effets spéciaux, était impressionnante aussi. Hein. C'était pas, oui, c'est c'était vrai. Pas mal. Ah oui, c'est... Notamment la scène avec le sorte de oiseau dragon qu'a chopé le gamin mandalorien là. Oh, cette scène-là. Ah ouais, c'était bien ça. Ah ouais. C'est une belle scène. Donc c'était plutôt pas mal. Ok. Alors, on est sur l'épisode 4. Moi j'ai trouvé, alors je sais pas comment vous avez trouvé l'épisode 4, j'ai trouvé qu'il avait un côté interstellar. Tu sais, avec la sorte de barrière, avec l'œil de Sion. Qui va propulser, ou je me suis dit un petit Buzz l'éclair, tu sais, le film, tu sais, où il va dans les cercles. Voilà. Donc on va peut-être découvrir Zorg. Zorg, Zorg, tiens, fils. Empereur Zorg. Voilà, est-ce que vous connaissez Ulysse 31 ? Ah oui, j'adore. Oui, ouais, j'adore aussi. Tu te rappelles du vaisseau d'Ulysse 31 ? Odysseus. Ouais, dans le dessin animé, comment il ressemble trop au vaisseau de la sorcière. C'est un œil. C'est un œil. Tu vois dans le vaisseau de la sorcière, t'as le symbole, c'est un grand œil aussi. C'est marrant. Attends, je vais regarder. Enfin, c'est les abeilles. Donc, on voulait parler de quelque chose, c'était de l'œil de Sion. Mais du coup, parce que Tony avait une théorie sur la notion, mais j'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est sa théorie à lui. Donc sa paternité. Je pense que. Et ben là, quand il reviendra. Voilà, quand il reviendra. Non, sauf que quand il reviendra. Le problème, c'est que ça sera la fin. Donc du coup, bah, il nous en parlera et puis on verra s'il a raison. Voilà. Mais voilà, il pense qu'il y a un retour de Dark Sion, voilà, qui est un site zombie. Voilà. Bon, ceux qui veulent. Si je me trompe pas, c'est ça. Mais il y en a qui parlent du retour de Dark Maul aussi. Oh, bon, non, c'est bon, il va pas mourir deux fois non plus. Hein. Mais il est pas mort. Il est mort dans Rebels, non? Je crois pas, non. On le voit dans Rebels justement. Oui, mais je crois qu'il meurt sur la fin. Il meurt une deuxième fois avant. Non, il meurt une. Enfin, moi, j'étais quand j'ai vu l'épisode 1. Mais parce qu'il revient avec. C'est pas là qu'il revient avec des jambes mécaniques. Attends. Si, mais non, pour moi, il meurt la première fois dans l'épisode 1. Je pense qu'il est mort. Il s'est fait couper en deux. Le mec, il revit pas, quoi. Si, il revient avec un. Mais il revient avec Rebels. Avec un. Il a plus de jambes. Il a des jambes un peu araignées. Là, tu penses, ouais. Sûr. Alors, effectivement. Bon, t'as peut-être raison. Hein. Et Rebels, ça fait tellement longtemps en même temps. Laurent, du coup, tu vas regarder Rebels. Ça y est. Ah oui. Le forfait Disney Plus, il va péter. Ouais. Ah bah oui, on va le rentabiliser un peu. Faux, parce qu'il y a une augmentation. Hein. Avant qu'il supprime la série, on sait jamais. Hein, ouais, ça supprime pas mal en ce moment, j'ai vu ça. Ouais, faut regarder. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. J'ai cherché sur internet, il est représenté avec des pattes robotiques en forme d'araignée. J'ai écouté des patins à roulettes. Ouais. Coupe budgétaire. Coupe budgétaire. Bon, écoute, mec, on va te mettre des patins à roulettes. On t'a mis des patins à roulettes. Donc, l'épisode 4 se finit là-dessus. Bon, on se doute que Ahsoka va se réveiller peut-être sur une plage abandonnée, quoi, entourée coquillage de coquillages et crustacés. Voilà, merci, tu m'as devancé. Voilà, coquillage sur la plage abandonnée. dans tous les cas, ils sont partis, donc du coup à la recherche de Thrawn, et du coup il va falloir les rattraper. Donc comment, à ton avis, Olivier, as-tu une théorie? Comment ils vont rattraper? Première théorie, comment ils vont rattraper les méchants? Et deux, vont-ils y aller seuls? Ça va être chaud. Ils vont y aller avec Anakin? Mais non. Qui vont transférer son esprit dans le robot. Dans voilà, le droïde. Exactement. C'est tout à fait. Ben justement, comment ils vont faire? Parce que là, ils sont partis loin. Et puis, ils sont partis vite. Bah, franchement, je me suis pas posé la question. Moi, j'ai deux théories. Vas-y. Les baleines, elles sont encore là, parce qu'on les a vues. Oui, non, mais ils vont servir de ça, je pense. Voilà. Soit ils se servent des baleines, en espérant que les baleines vont au même endroit. Soit, tu sais, c'est brûler la main. Mmh. Et là, avec le globe, c'est avec la boule de pétanque. Oui, au but. Et ça se trouve, elle a des marques dans la main. Elle a la carte sur la main. Et ça se trouve, elle a la carte sur la main. Elle a qu'on le cœur sur la main. C'est possible. Ouais. La carte sur la main. Et ça se trouve, ils vont lui prendre sa main et vont faire « Oh là, attends, ah bah tiens, c'est la croix, alors on y va. » Tu vois. Mais t'es sûr qu'ils ont détruit la bonne sphère? Bah oui, je pense. Enfin, j'ai pas vu. Je pense que Sabine, elle a discrètement à Décathlon d'abord, et puis elle a. Ouais. Ça dépend s'ils ont fait une triplette. Oui. Elle a échangé discrètement avec une boule de but. La petite boule de bowling. Ouais. Et du coup, ma deuxième question, est-ce qu'elle va y aller seule avec Syndulla ou pas? En fait, moi, je cherche pas trop à. Elle cherche. Elle cherche. Ouais, enfin, quand je me laisse porter, en fait, avec cette série. Ah, la foudre qui t'entraîne. Parce que, notamment avec Secret Invasion, j'ai tellement fantasmé la suite. J'ai peur de dire que je me suis tellement fantasmé sur Ahsoka. Que... Non, mais Secret Invasion, par exemple, ou les autres séries, j'ai tellement fantasmé sur ce qui allait se passer après, et finalement, c'est jamais ce que tu penses qui va arriver. Donc, tu es fatalement un peu déçu, des fois. Là, je me laisse porter, tu vois. Ahsoka, je ne savais pas comment ça allait être traité. Et je découvre chaque épisode sans me dire alors qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont s'en sortir. Moi je trouve la série agréable. Ah oui, oui, mais je la trouve super agréable. Mais justement, peut-être aussi parce que je ne cherche pas à imaginer ce qui va se passer à l'épisode d'après, tu vois. Mais la question, tu sais, on s'était posé aussi, c'est pas Bo-Katan qui est censé apparaître aussi dans Ahsoka? Si, je crois. Bah justement, tu vois. Ah ouais. Et cool. Est-ce qu'elle va pas chercher de l'aide? Ah, peut-être. Viens, allez, Mando, viens. Allez, Ahsoka, tu viens. On y va. Mando. Ça va, c'est... Bon, toi, moi, ce serait trop cool. T'imagines, dans Boba Fett, elle est partie de l'épisode 3 ou 4, c'est là où était apparu Mando. Hein. Je sais plus le combien, mais c'est dur, la série, là. T'imagines, toi, Mando qui arrive. Bah, il y a une surprise. Ouais, ça, et puis il y a Captain Rex qui est annoncé aussi. Dans oui, il y a Captain Rex. Ouais. Oui. Le clone de Boba Fett. Donc, je pense qu'il y aura l'acteur. La question Rex, est-ce qu'il va y avoir le Mandalorian dedans, qui va arriver à la fin? Peut-être. Moi, je pense qu'il va y avoir. Ça va être la scène finale où je vois bien tous les personnages réunis à la Avenger. Ah oui, ça c'est ma théorie. Ça. Oui, c'est possible. Après. Comme disait Tony, c'est plus sur un film, ce genre de choses, peut-être plus que sur une série. Mmh. Je sais pas. Oui, c'est ce qui est prévu, je crois. Ouais. Ils veulent faire un film. Hein. Mmh. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, on est. Je vais me poser la question de savoir si elle allait pas chercher Obi-Wan, tu vois. Parce qu'il est là, Obi-Wan, normalement. Attends, non, il est plus là, je suis con. Pourquoi je dis ça? Il est mort. Mais non, je me suis même posé la question de savoir si elle allait chercher d'autres Jedi. Donc, voilà. Mais bon, après, peut-être qu'elle va prendre une baleine et puis faire du. C'est comme c'est, elle va faire de l'autostop sur une baleine, quoi. Voilà. Du Galaxy Stop. Voilà, c'est ça, du Galaxy Stop. Voilà. Mais pas mal. Enfin, l'idée de te dire, comme tu dis, ils vont trouver une autre galaxie, c'est pas mal. C'est aussi une autre galaxie où tu as des êtres humains, enfin, une république aussi, etc. Enfin, comme tu dis, on sait pas trop. On verra. On verra. Eh bien, les gars, merci. On a fait le tour, là, je pense, si je réfléchis bien. Bah, je crois. On a fait le tour. Ouais, je pense, ouais. On peut dire que, pour l'instant, cette série nous emballe. On en veut encore. L'intéressement est là. Voilà. Est-ce que la passion y est? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle se regarde agréablement par rapport à Obi-Wan ou Boba Fett. Oh, Boba Fett, moi, je trouvais ça fun à regarder. Hein. Oui, enfin, une fois que Mando arrive. Non? Le premier épisode m'avait beaucoup plu là quand il sort oui. du. Après oui, effectivement il y avait des épisodes qu'avec le Mandalorian d'ailleurs qui était exceptionnel. Et le dernier épisode il envoyait du pâté quand même aussi avec le rencor, etc. C'était fun, c'était pas une grande série mais c'était fun. En tout cas j'ai envie de dire par rapport aux séries Marvel qui nous ont déçus, les Star Wars ils nous ont pas vraiment déçus. Hein. Donc ouais. C'est vrai. Franchement, quand tu regardes. C'est vrai que moi, j'ai pas été déçu, non. Ouais. Parce que là, bon, Secret Invasion, voilà quoi. La fin, surtout. Ouais, mais j'aime quand même cette série. cette série. Mais bon, voilà. Donc, attends, il y a Loki saison 2 là qui va arriver. Donc, c'est pas mal. Donc voilà. Et ben, en tout cas, les gars, merci pour cet épisode sur cette partie 1, le mid-season. On en fera. Mais rien. La semaine prochaine, je vous vois pas. Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Vous êtes punis. On va se faire fouetter. ça, je sais. Cuir. Vous êtes à Chewbacca, Olivier. Par Chinati qui va nous punir. Ah, donne-moi un coup de sabre à la zéro. Brûle-moi. Brûle-moi. Non. En fait, la semaine prochaine, je fais un épisode sur Dreamlight Valley. Ah ouais, sympa ça. À moins que tu veux le faire, toi, Olivier, tu peux venir. Moi, j'y joue un petit peu aussi, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Bon, ouais. Voilà, bah, c'est comme moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je joue à le jeu de cartes, là. Man, j'ai oublié le nom. Arcana. Non, de cartes, comme Mario Kart. Speed. Speedstorm. Je ne sais pas ce que ça donne, c'est bien ça. Ah, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ouais, c'est vrai que j'y joue. Mais de toute façon, il est en précommande. Enfin, il est en... Ouais, je l'ai en précommande, mais là, je crois qu'il sort ce mois-ci en version gratuite, je crois. Ouais, bah, avec un pass de combat comme à Fortnite, je suppose. Forcément. Ouais. Mais, ok, écoute, si tu es là, tu veux en parler, tu peux venir. Voilà, il y a de nombreuses femmes qui seront là. Donc, voilà, si, tu pourras te faire fouetter si tu veux. Pas de problème là-dessus. Voilà. Bon, côté actu, alors, Laurent, actualité sur ton. Ah, j'ai vu ta dernière vidéo. Voilà. Actualité sur ta chaîne YouTube ? Bah écoute, là, ça va être la rentrée. Là, tout l'été, ça a été assez calme. De petites vidéos, tranquille. Mais là, sur la rentrée, je vais commencer à faire des vidéos plus thémées. Ça sera moins des vlogs dans le parc. Bon, il y aura toujours des vlogs dans le parc, mais ça sera plus tourné autour du reportage. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu vas refaire des vidéos dans ta pièce spéciale ? Mais bien sûr, c'est prévu aussi. Ah, nous avons hâte de visiter ta pièce. Super. La garçonnière de Laurent. Tu pourrais appeler, tu pourrais l'appeler comme ça. La garçonnière de Laurent, tu sais, épisode 1. La garçonnière. La garçonnière de Laurent, épisode 2. Voilà, ça c'est bien ça. Olivier, de l'actualité sur ta chaîne YouTube ? Oui, sur deux chaînes maintenant. Oui. Donc, j'ai sorti une vidéo sur ma redécouverte du parc après les vacances, après presque un mois d'absence. Alors, ça fait quoi ? Bah, ça fait du bien. Ah bah oui. Voilà, le parc est toujours aussi beau. Voilà, et puis sur la chaîne de MSA, j'ai fait une vidéo avec les All Around Dreams. Ouais, les montre-moi ton Disneyland. Ton Disneyland. Montre-moi ton Disneyland. J'aurais dû l'appeler trois petits points. Disneyland. Montre-moi ton. Donc mais, voilà. En anglais, t'aurais mis show me your Disneyland. Ouais. c'est pareil. C'est pareil. Ça aurait pu montrer-moi ton Mickey aussi. Ton Mickey, voilà, c'est ça. On peut en faire plein. En tout cas, ça a l'air de marcher cette vidéo-là. J'ai regardé, très bien. Ouais. Les All Around Dreams étaient super sympas. Ils sont vraiment adorables. Oui. Donc, oui, elle a bien démarré. Je crois qu'elle a dépassé les 1000 vues. Là. Et du coup, c'est toi qui gères ça, non, maintenant, la chaîne YouTube ? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. J'ai souvenir que je crois qu'il faisait des lives dessus, Tony. Il faisait des lives. Et puis, elle était un peu à l'abandon depuis plusieurs années. Mmh. Donc, en fait, en discutant, on s'est proposé de la relancer. Donc, concept. On fera. Tu prends à chaque fois un youtubeur ou un instagrammeur. Voilà, je vais en faire une avec Laurent aussi, il va me faire voir son Disneyland. Et peut-être avec toi, Benjamin. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Montre-moi ton Disneyland. Alors du coup, si tu veux que je te montre mon Disneyland, il y a un endroit qu'il faut aller. Eh ben ouais, tu me le dis pas tout de suite. Bah non, je veux la surprise. J'ai peur. C'est un endroit sombre et humide. Il y en a beaucoup. C'est ce que je dis. Voilà. En tout cas, merci les gars pour cet épisode. C'était vraiment sympa. On se retrouve, alors c'est début octobre, parce qu'il reste encore 4 épisodes. Donc la semaine prochaine, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc du coup, dans 5 semaines, même pas dans 4 semaines. On se retrouve dans un mois pour le final de Ahsoka et on verra si on a pu théoriser ou nos théories sont bonnes, ou si les nouveaux personnages répondront à nos attentes aussi. Parce que franchement, voir le général Thrawn, ce serait pas mal. On va le voir, c'est sûr. C'est sûr, mais est-ce que l'acteur va être... C'est un bon acteur. C'est ça. Est-ce que l'acteur va être aussi puissant que le personnage dans Rebels ? Ça fait la question. Je pense que oui. Oui. J'espère, parce que si j'ai juste fait ça pour le billet, c'est dommage. Voilà. Il arrive, il fait « Je suis le méchant, je vais tous les gentils. » C'est pas le méchant, ça. C'est pas que lui. Hein. Bon, allez, les gars, je vous remercie encore. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial Dreamlight Valley. Donc, sur le jeu vidéo Dreamlight Valley. Il y a des choses à dire, quand même, donc, sur ce jeu. Donc, je savais même pas qu'il y avait une histoire qui se finissait, tu vois, Olivier. Ça fait longtemps que j'ai pas. Parce que ça va être bouclé, il va y avoir une vraie fin ? Ou c'est sans fin, justement ? Non, en fait, je crois qu'il y a des histoires. Et Julie, on va nous expliquer comment les filles, mais je crois que Julie a fini l'histoire principale. Mais je crois que peut-être d'autres histoires de prévues, on en reparlera la semaine prochaine si tu es là. Voilà. Et après, le retour de la numérologue. Peut-être qu'elle va faire vos. Oh, faudrait que je lui demande qu'elle fasse vos noms. Attends, je vais vous envoyer vos noms et vos prénoms. Vous m'autorisez ? C'est cool. Oui, bien sûr. Ouais, je vais demander avec plaisir. Je vais demander. Et du coup, nous, on dira si c'est vrai. Alors, Olivier S, c'est comme ça. Ah, Laurent P, c'est comme ça. Enfin, ah c'est non, non, ça. Laurent n'est pas comme ça. Vous direz, ouais, Laurent, t'es comme ça, c'est ta face cachée. je vais lui demander. Vous m'autorisez, j'ai juste besoin de votre nom. Je t'autorise, il n'y a pas de souci. Voilà. Bah, je vais demander que vous fassiez alors. On va faire les super-héros. On va faire les super-héros Marvel, dont Olivier et S et Laurent P. Voilà. voilà. Bon, allez, sur ce, alors, on va finir l'épisode. À bientôt, les gars. Merci encore. Bon courage pour vos projets YouTube, etc. Et à plus. Bye. Bye bye. Merci, Benji.